Arras, tu es chaud. Le vélodrome, un maximum de bruit, s'il vous plaît, une dernière fois. Les mêmes fêtes pour leur faut bien qu'on mange, sans être dans des histoires canonciers. Je n'ai confiance qu'en ma parole, mon mange. L'une est fermée, l'autre d'arcier. Faut pas chanter en tel, ces promesses pour les tenir. Y'a qu'à toi qui fait peur, tes couilles qui fait que tenir. J'ai vu avec le temps que méchant pour devenir. Faut faire des sous comme ça, tu n'as aucun avenir. Elle vit en bain, j'ai rigolé. J'faisais l'un d'eux, j'ai picolé. J'veux voir la mer quand j'ouvre les volets. Remplir des sacs de pieds violets. J'ai viré à son nickel avec des chargeurs dans l'auto. De 80 sur les nerfs, j'ai rattrapé une moto. Aujourd'hui tu les mets bien, demain ils tournent le dos. J'fais attention, j'fais en sorte qu'il n'y ait pas de pute sur les photos. Balance à la comme tu presses la gâchette. Souvent un drame, elle gâche la fête. Les petits vendent des grammes, faut mettre plein en tête. Pour des bouteilles, des vols, faut pas se mettre en tête. Faut mettre sur le déco. Une rafale, j'adore l'écho. Si un jour j'fais des gros sous, j'mets bien moi. Faut faire bien les choses. Chacun abîme, c'est chacun sa peine. Si tu le fais pas, personne va le faire. J'suis dans l'auto, j'fais des kilomètres. J'savais même pas que dans le coffre y'avait à faire. Et merci bien le Vélodrome, merci bien le Gide de nous avoir permis de faire ces soins. Merci à tous ceux et celles qui sont venus. Ce soir on va tout niquer, c'est pas fini l'équipe. T'es bien le Vélodrome. Génération nique tout avec le chargeur dans la dent. De 80 sur les nerfs, j'ai rattrapé une moto. Aujourd'hui tu les mets bien, demain ils tournent le dos. Fais attention, je fais un sort qu'il n'y ait pas de pute sur les photos. Je m'en bats les couilles. Et merci bien le Vélodrome, merci bien le J, merci bien le Moops. C'est Karim. Un grand big up à Julien au trial. Et merci bien l'équipe. Attends, attends, Warizo. Eh Warizo, où tu vas? Attends, le son. Eh, faut qu'on rigole, y'a le Eh, mais j'allais venir tout de suite. Eh non, le son. Faut qu'on rigole, l'équipe. Ah là, faut qu'on vous régale. Vous allez pour là, c'est trop chaud. Après, allez, le Vélodrome, hein.